Qu'est-ce que l'ego? Ben oui. L'ego, ça, c'est un mot qui est à la mode. Beaucoup, on entend ça, on regarde, mettons, la télévision américaine. Il y a même des jouets qui s'appellent comme ça. Ben oui. Puis quand les gens disent ça de façon générale, est-ce qu'ils parlent de la même chose de ce dont toi tu parles? Ben, ça dépend. Ceux qui parlent de la même chose de ce dont je parle, oui. Oui, il y en a. Oui, il est, par exemple. Sur la rue Sainte-Catherine, me dit maintenant, sur... parle de la même chose. Je suppose. Non, mais réponds pas aux questions des autres, d'abord. Non, mais je pense que je sais de quoi elle parle, puis c'est oui. La réponse, c'est oui. Ben, c'est ce que je dis moi aussi, oui. Ah bon? Bon. Mais non, souvent. Toujours oui. Mais non, parce que ils savent pas ce qu'ils disent. Ils connaissent pas l'ampleur de ce qu'ils disent. Mm-hmm. Comme un ego, par exemple, qui dit « Oui, mais nous sommes tous de l'ego. » Il a raison. Et bien plus qu'il peut penser. Puis s'il savait à quel point il a raison, il changerait de discours. Bon, égocentricité, égocentrique. Ben, c'est surtout perçu dans ce sens-là. Quand un psychologue, un psychiatre, ou va parler... Ou un, ouais, ben lui, il va parler des autres. Mais, ils vont parler de l'ego, ça va être surtout dans le sens de traits caractéristiques exagérés, une centricité trop forte d'une personne, d'une façon égocentrique, justement. Mais un ego dans le sens qu'à peu près tout ce qui s'exprime de chez un individu, ça va être ça. C'est pas comme ça que c'est perçu habituellement. Non, mais souvent aussi, ils vont dire « ça fait plaisir à l'ego, oui. À mon ego. » Ou « ça a fait mal à mon ego. » Ouais. Oui. Merci. Et les électrons sont gentils. Les égaux des électrons. Qu'est-ce qu'un égo? Premièrement, ça ne prend pas d'accent parce que ça vient du latin. Bon, je dis ça parce qu'elle me corrige toujours les fautes, elle. Fait que, ça me dit tout de suite. Ça prend pas de R, en plus, ça compte pas. Bon, mais écrit comme ça, c'est assez dur à connaître. Un égo, ça prend pas de. Pourquoi égo prend pas de R, ce n'est pas au féminin, parce qu'un égo ne s'accorde jamais avec personne. C'est clair, donc, c'est un mot invariable, ça ne change pas. Et ça ne s'accorde pas non plus. Un égo, c'est ça. Voilà pour cela. J'ai peur. Mais vous n'avez jamais peur. C'est égo a peur. Je m'ennuie. Vous ne vous êtes jamais ennuyé. Jamais. Votre ego, oui. Maladie psychosomatique. Vous n'avez jamais rendu votre corps malade. Jamais. Votre ego, oui. Toujours, tout le temps, puis il fait vieillir, et à un moment donné, le corps en aura le bol, il n'en peut plus. Jaloux. Vous n'avez jamais été jaloux. Votre ego, oui. Gêné. Vous n'avez jamais été gêné. Même tout nous devant un inconnu. Votre ego, oui. J'ai oublié. Vous n'avez jamais rien oublié parce que vous n'avez jamais rien mémorisé. Votre ego, oui. Tout ce qui fait partie de ce que l'homme appelle la nature humaine, ben, c'est pas nous autres. Tout ça, c'est l'ego. Il y en a qui vont être mêlés parce que ils vont dire « j'ai peur ». Il n'y a personne de mêlé. Non, c'est leur ego. C'est l'ego, oui. C'est ça. Mais justement, il y en a qui s'en vont avec ça. Là, ouais. Ça va être rendu. C'est pas de ma faute. C'est tout l'ego. C'est tout l'ego. Ils ont raison. Sauf que là, la situation, c'est que c'est l'ego qui parle. Sauf que c'est l'ego qui récupère ça. Oui, mais... c'est l'ego qui parle. Ça revient de tel art. Ils ont raison, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. « Oh, moi, je suis manipulé, moi, je n'écoute plus personne. » Il est manipulé au maximum. De ce qu'il dit, ben, il est plus manipulé par ces manipulations-là, puis il reste fait aussi. Parce que ce que tu dis, Annie, c'est que, bon, c'est dangereux de dire ça, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire, « Ben, écoute, moi, j'ai volé 50$, mais c'est pas moi, c'est mon ego. » C'est vrai que c'est ton ego. Puis celui qui s'est fait voler va faire, « Paf, c'est pas moi, c'est mon ego. » Ça va être vrai aussi. Sauf que les deux, c'est des égos qui jouent avoir un ego. Mm-hmm. Mais il y en a, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que... C'est la même chose quand même. Oui, mais sans voler, ils vont dire « mon ego n'aime pas bien ça quand tu me dis ça, mon ego... » Ben oui. J'en connais un ici, d'ailleurs, qui est tout près de moi. Il me dit souvent, « Oui, mais je sais bien quoi, je comprends ça, mais mon égo, ça l'écœure quand même. » Et moi, je passe mon temps à dire, « Écoute, je n'ai rien à faire de ton égo. Pas lui que je parle, c'est à toi. » Alors, la problématique. L'égo est assujetti à deux lois, les mêmes lois des égrégores. Un, s'exprimer pour savoir qu'il existe, ça le nourrit. Deux, continuer à s'alimenter pour continuer à exister. Mais là, tu dis qu'il bon, il y a les mêmes lois que l'égrégore. Est-ce que c'est parce qu'il y a des similitudes avec l'égrégore? C'est la même chose dans le corps d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Donc, récapitule ce que c'est. Un égrégore. C'est la cassette de la conférence. La conférence sur les égrégores. Je comprends toute ton affaire. Je sens que tu es télépathe en même temps. Mais j'ai répondu correctement aussi. Remarque bien. Ce qui arrive, c'est ça. C'est que les égrégores, c'est la même chose. On a vu qu'un égrégore, c'était l'agglomération de mémoire qui se répétait. Puis quand ça se répétait suffisamment, ça pouvait engendrer une centricité qui va devenir une divinité, un parti, un drapeau, qui devient quelque chose de plus localisé dans l'égrégore. L'âme humaine, c'est l'égrégore, puis l'ego de l'humain, c'est l'équivalence d'un dieu. Donc, on a des égos humains, on a des dieux qui sont prêts à tout donner. Ils vivent pas longtemps non plus, ces divinités-là, et les humains non plus. On a des égos humains qui ne pensent qu'à eux, comme il y a des dieux qui ne pensent qu'à eux. On a des égos humains qui sont violents, et des dieux qui le sont aussi. On a des égos humains qui sont plutôt pacifiques, et des divinités qui le seront aussi. C'est la même chose. L'ego, c'est l'astral dans l'homme, finalement. Oui, puis on va voir de quelle façon il est relié à l'astral. Ce qui est important, c'est que s'exprimer pour savoir qu'il existe, l'ego ne peut s'exprimer, d'ailleurs l'astral ne peut s'exprimer que par le biais d'une âme. L'âme, c'est limité par l'énergie intra-atomique des molécules qui constituent un corps, donc il faut un corps. Plus le corps est animé, plus le corps est émancipé au niveau de l'énergie vitale, plus l'âme peut être compliqué, complexe, ce qui fait que l'âme d'un pot d'eau, c'est pas fort. L'âme d'une girafe, ben, c'est très long, mais c'est pas... Puis l'âme de l'humain, c'est mieux. L'âme d'un pot d'eau. Le pot d'eau a une âme. Absolument. Pas grand-chose à en retirer, à part de l'eau. Mais ça a une âme. On va voir surtout son corps vital. C'est l'enveloppe périsprétique de l'âme. Oh là, c'est des petits détails. Alors ici, s'exprimer, ça veut dire que les divinités, l'astral, s'expriment par l'âme. Et l'âme doit s'exprimer par le corps de l'homme. L'âme s'exprime par le système endocrinien, à peu près exclusivement, un petit peu ailleurs, par les systèmes vitaux, énergie vitale, système endocrinien. Ça veut dire que chaque fois que nous nous exprimons quand nous sommes de l'ego, nous nous exprimons dans le corps physique et nous nous exprimons par sécrétion d'hormones. Bon, exocrine, endocrine, qui vont amener à un moment donné des résultats en physique. Ça veut dire qu'une personne qui, tout à l'heure on a vu ici, on revient ici, fait que ceux qui écoutent la cassette, vous faites un petit retour en arrière. Voilà, vous pouvez arrêter, c'est là. Ben oui, c'est là. Alors, ceux qui ont peur savent qu'ils ont peur parce que le corps réagit et que le corps exprime la peur. Ceux qui s'ennuient, s'ennuient physiquement. Maintenant que c'est exprimé dans le corps physique, l'ego va lire ce qui est exprimé dans le corps physique, et là, maintenant qu'il s'exprime, il en déduit qu'il est. Je pense, donc je suis. Bon, alors je donne un coup de pied sur la table se renverse, c'est moi qui ai fait ça, je suis. Réaction. L'ego va donc s'exprimer dans le corps, à travers le corps physique, ce qui va engendrer l'émotion chez l'homme. Pas le sentiment est une perception à travers le corps physique de l'événementiel. Mais l'émotion, c'est l'expression biologique de la présence d'une âme ou d'un ego. Toutes les expressions égoïques, donc toutes les émotions, attaquent et détruisent le corps physique. Une bonne émotion nourrit bien l'ego. Le corps physique mange la claque quand même. Puis une mauvaise émotion nourrit mal l'ego. Puis le corps physique mange aussi la claque. Puis l'exemple le plus facile, c'est un individu qui est cardiaque, qui écoute présentement la course au gros trophée pour boire dedans, là, la Coupe Stanley. Et puis, si son équipe gagne, ou son rien pour compter, double, etc., il peut aussi bien faire une crise de cœur. Pourtant, tout va bien. C'est une bonne émotion qu'il a, mais s'il y en a trop de force, il va quand même mourir parce que ça attaque le corps physique. Comme le corps est déjà trop abîmé, il peut laisser sa peau. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que l'humain vit physiquement toutes les émotions humaines. Toutes les émotions humaines sont une expression endocrinienne, donc physique ou physifiée, de ce que vit l'ego à l'intérieur de l'âme. Ça veut dire que chaque fois que l'ego s'exprime, ou qu'il se passe quelque chose dans le corps en termes de sécrétion endocrinienne, ça abîme le corps physique. Ça veut dire que l'ego, là, c'est un ennemi du corps physique, c'est un ennemi de notre vie. Non, c'est pas un ennemi du corps physique, c'est un problème pour le corps physique. Parce que la résultante, c'est que ça nuit. Oui, mais c'est quand même émotivisé. Oui. Bon, c'est pas un ennemi, hein, je suis prêt à l'utiliser. Non, mais je veux pas missionner. Ah, OK. Regardez ici. Au début, il n'y a pas d'ego. Le corps physique perçoit par ses cinq sens, puis un paquet d'autres sens. On parlait des cinq présentement. L'énergie qui arrive dans l'âme laisse une trace, je vous passe de détails, on en reparle souvent au niveau du séminaire, mais on va sauter des petits détails. À la longue, à force de répéter la même expérience, ça va créer une mémoire intérieure ici, et la personne, l'enfant, commence à se reconnaître un petit peu. Dépendamment de ce qu'il va vivre, il va y avoir des mémoires qui vont être tous différentes, et si on les répète souvent, ces mémoires-là vont finir par habiter l'âme. On appelle ça une mémoire volatile, ça se promène, il n'y a pas d'égo encore. L'enfant va dire « Daniel a faim », il ne peut pas dire « j'ai faim », il n'y a pas d'identification à l'intérieur de son âme. À un moment donné, il va y avoir tellement de pièces ici, que chaque fois qu'une nouvelle expérience va pénétrer, elle va venir bouleverser, c'est-à-dire pousser les mémoires qui existent déjà à l'intérieur de l'âme. Et ce mouvement intra-amique, le mouvement à l'intérieur de l'âme, c'est ce que nous appelons de l'émotion, du point de vue psychologique. L'émotion, c'est le vécu d'une expérience extérieure vécue à l'intérieur de l'âme avec un mouvement ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une impulsion, une information, ce que vous voyez, entendez, etc., rentre trop fort, ça va tellement vous brasser ça ici que là, ça va tout vous ébranler. C'est ce qui va arriver. Si un phénomène rentre encore plus puissamment, et vous avez un ego, c'est à l'âge d'un an et demi, dépendamment si c'est exception ou pas, 2, 3, 4, 5 ans, vous avez un ego, ça rentre trop puissamment, ça peut venir fracturer l'ego. Et là, on appellera ça un choc psychologique. Bon, c'est ça qui va être un choc. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'un bon thérapeute va s'arranger pour soit combler le trou de l'ego, parce que là, c'était une insécurité totale, c'était tout va mal, on ne se reconnaît plus, c'est normal, on est brisé. Et il va soit être capable de faire par la parole, parce que l'astral, l'âme, c'est par la parole qu'on la bouge. Comme l'astral, c'est la même chose, donne des ordres avec ta voix, pas avec la matière. Alors, un bon thérapeute va être capable peut-être de retrouver le bout d'ego qui manque, le replacer ici en discutant les paramètres, le ressouder. La personne va être correcte. Bon. Et là, elle est redevenue qui elle était, mais est-ce que... Oui, avec une cicatrice. Tu vas en devenir une... Psychologique, évidemment. Qui peut devenir ce qu'on va appeler une peur, une crainte, ou... Mais... Dépendamment de la puissance qu'elle aura expérimentée, ça peut effectivement changer par la suite. Mais quand tu dis que quelqu'un se reconnaît pas, la personne ne se reconnaît pas là, suite à ce choc-là, est-ce que c'est parce qu'effectivement, elle n'est plus la même? Si elle ne se reconnaît pas, elle n'est plus la même. Puis là, le thérapeute en question, par exemple, là, il la ramène comme elle était. Oui, c'est ça. Il va la ramener comme elle était. Ce n'est pas nécessairement... C'est ce que je pensais, mais je ne voulais pas le dire. Bon. Non, mais c'est quand même mieux ça qu'être en choc, là. Parce que... Bon, effectivement, il y a du monde qui a une peur marquée de vivre en choc. Non, mais c'est vraiment pas écologique d'être en choc. Comme lui, Jean-Claude disait... Mais ce par contre, c'est que les chemins de la conscientisation sont des chemins qui amènent l'ego à être fracassé et fracturé progressivement. Non, mais de toute façon, ça prend quelque chose. On peut constater que l'humain ne comprend pas autrement. C'est-à-dire que l'humain ne comprend pas. Fait que c'est ça. Moi, quelqu'un en choc, je suis pas sûr qu'il a compris quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas en choc non plus. Non, mais à choisir entre les deux. Lui-même comprend quelque chose. Moi, je dis que c'est pas la question choc ou pas choc, c'est que ce qu'il faut qu'il y ait. Écoute, c'est quoi la conversation? Oui, mais ça continue ça. C'est que que l'ego soit fragmenté ou qu'il y ait une anégoïsation, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce. Les deux choses. Bon, oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là pour suppléer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autre chose que l'ego pour s'identifier. Un corps de chair, ça vaut pas. Voilà, chair. Alors, il faut qu'il soit animé. Pour l'animer, on met un anima, une âme, avec un chapeau, parce qu'il a peur de tout, pour que ça se protège. Alors, on met donc une âme. Ah oui, à un moment donné, je vous ferai écho, moi, sur la façon d'écrire le français, vous allez voir. Alors, c'est une âme. L'âme anime le corps physique, L'âme est reliée au plan astral, donc au monde de la mort, et c'est les contacts qui vont faire en sorte que la personne est sur sa chaise en train de lire, puis que subitement le boudin baigne. Ça, c'est la simulation de vie. Puis là, elle veut continuer à lire, puis elle goûte deux beignes, un coke. Puis là, elle continue à lire, puis là, deux dépanneurs, ils vendent des coke, ils vendent pas de beignes. Dunkin' Donuts, t'es pas plus loin, j'y vais-tu pas. Puis après ça, ben, elle recommence à lire son chapitre. Et à un moment donné, probablement qu'elle va sortir. C'est une stimulation de vie. La personne, elle est chez elle, elle fait la vaisselle, puis subitement, « Ah, tiens, elle marche au journal, voir ce qu'il y a au cinéma. » Elle passe acheter un journal, elle espère évidemment qu'il n'y a pas trop de monde qui ont été acheter le journal avant elle. Et puis là, elle va regarder les films plates. Puis les bons films sont toujours dans les cinémas les plus loin. En tout cas, bon, elle constate. L'âme anime. L'animation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre corps de chair est obligé de se déplacer. Donc, il déambule partout un peu dans votre ville ou sur dans la province ou sur la planète et il va là acquérir de l'expérience. L'âme a aussi une autre fonction. Là, je parle un peu plus au niveau d'intelligence, même si c'est de l'astral. Donc, l'âme va vous faire déambuler dans le but d'aller chercher de réincarnation chez l'expérience. Ça vous amène à vivre et ça amène à l'âme des mécaniques pour vivre de l'expérience. Donc, ça nourrit l'âme. Une âme bien nourrie, son égrégore ou les égrégores auxquels elle est reliée. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'âme a aussi pour fonction, au niveau de l'intelligence, d'abîmer le corps physique. Alors, tout au long de votre déambulation planétaire, vous allez vivre des choses extraordinaires, des choses horrifiques, puis vous allez vous promener comme ça un peu partout, vous allez trouver que le gazon du voisin est plus vert, puis quand vous allez avoir acheté sa maison, vous allez trouver que l'autre, il l'était peut-être plus, puis comme ça, on se promène. Il se passe quoi? Il se passe que vous sécrétez. Je le répète souvent au séminaire, c'est le secret de la conscientisation, c'est la sécrétion. Vous sécrétez des hormones. Et plus vous sécrétez des hormones, plus votre corps est abîmé. Mais votre corps, plus il est abîmé par la sécrétion d'hormones, plus il s'endurcit, se renforce. Plus il se renforce, plus il devient résistant. Et à un moment donné, vous allez avoir des petits-enfants qui vont génétiquement recevoir votre cellularisation de vie. Ça prend le temps que ça prend, c'est exponentiel, ça va plus vite. Puis vous, à un moment donné, ben, on va vous éliminer. Bon. Puis après ça, vous allez revenir dans l'enfant, du petit enfant, du petit enfant. Dans un corps physique plus solide. Et là, ce qui va arriver, c'est que, avant, on disait au monde, là, Satan. Puis tout le monde a peur. Après ça, on disait au monde, sexe. Tout le monde riait. Bon. Aujourd'hui, les gens sont plus solides. Il y en a encore quelques-uns, évidemment. Je suis bien sûr. Mais, globalement, les gens sont plus solides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont capables de voir des films d'horreur mieux faits. C'est sûr que c'est une façon de nourrir son ego. Mais des films d'horreur mieux faits, puis ils arrivent encore à dormir après une nuit ou deux. Tandis qu'à l'époque, écoutez les premiers Dracula en noir et blanc avec ses dents, le jaune, puis c'est tout le monde rit. Il faut comme si une max pour écrire ces 5 minutes, c'est un film d'horreur. Sans ça, on pense que c'est un film drôle. Donc, les gens se sont solidifiés. Ça veut dire que plus le corps physique devient solide, on va changer de page ici, j'ai fait que si vous voulez des photocopies des notes, vous pourrez faire le demander. Donc, le corps étant de plus en plus solide, ce qui arrive, c'est que l'humain est capable de supporter physiquement un peu plus de conscience. Donc, un peu plus d'intelligence. Donc, un peu plus de réalité. Au-dessus de la vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est une coloration de la réalité. Alors, l'humain peut supporter plus de réalité, puis progressivement, l'humain pourra supporter un peu plus d'absolu. L'absolu, c'est intemporel et immatériel. Bon, l'humain va supporter ces choses-là. Parce que le corps physique est de plus en plus solidifié, ce qui descend à l'intérieur va moins l'ébranler. Donc, l'âme a pour fonction de consolider planétairement un corps d'atomes pour la réception de vous autres. Vous autres. Donc, de l'homme, de la femme ou de l'enfant androgyne. On ne parle pas du corps physique, donc de l'être. C'est ça comme vous voudrez, là. Vous autres. C'est le terme le plus juste. Toi. Et moi, quand on parle, parce qu'à un moment donné, les gens ont tout parlé de tout le monde, sauf d'eux autres. Donc, le moi. Maintenant, le moi psychologique fait référence à l'ego. Pourquoi? Parce que dans la psychologie actuelle, psychologie veut dire science qui étudie psychose, l'âme. Mais au-delà de la psychologie, il y a l'intelligence. Puis entre l'intelligence et la psychologie, il y a l'intellectuel, le mental, l'intellect. C'est bien différent. Il y a beaucoup d'intellectuels sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains intelligents. Ils ont tous un petit peu d'intelligence, pas exprimé souvent, c'est l'intellectuel, la mémoire qui va être exprimée. Alors ça veut dire ici que le corps physique est capable de supporter de plus en plus d'intelligence, donc que l'être humain est capable de voir de mieux en mieux ce qui en est. Voyant de mieux en mieux ce qu'il y en a, nécessairement, la première chose qu'il va voir, ça va être la manipulation, l'ego. Le fait que sa vie, c'est pas sa vie. Le fait que sa vie est apparemment une insulte à son intelligence. Le fait qu'il veut faire ça, mais qu'il fait d'autres choses. Pourquoi? Parce que vous, le moi, le vrai, vous autres, quand vous descendez dans votre corps physique progressivement, petit à petit, parce que votre corps n'est pas capable de vous supporter, pas de vous endurer, parce que vous êtes parfait. Et parfait. Mais le corps ne peut pas supporter trop de vision, trop d'énergie. Il va péter. Il y en a déjà, en tout cas. Bon. Parce que c'est parce qu'il mange. Quand on digère mal, ça arrive qu'on pète. L'intelligence, c'est la même chose. Si on en mange trop, on ne digère pas l'intelligence qui descend, on peut péter. Bon. Je sais, c'est une chose qui arrive. Et puis voilà. Donc, l'être humain va nécessairement voir son intelligence descendre. Et là, ce qui arrive, quand l'intelligence descend un peu trop dans les petits cocos de l'être humain, c'est que l'intelligence finit par déconnecter l'ajusteur de pensée qui est connecté au canal réincarnationnel sur l'âme, l'ego TC. La réincarnation vient comme ça, rentre par l'ajusteur de pensée, c'est légèrement ajusté, mais ça revient finalement au même. Puis à un moment donné, ça se déconnecte, ça va flotter dans le monde astral, bien, puis ça va toucher le monde supramental, on passe au détail encore une fois. Et là, l'énergie qui va descendre, c'est-à-dire vous autres, quand vous allez pénétrer l'âme, vous allez rencontrer l'ego. Et là, vous allez venir le briser, paf, un petit peu par un petit peu. Il y a deux façons, effectivement, de créer la conscientisation anégoïque chez l'humain. Anégoïque veut dire sans ego. Fracasser à coups de masse, à coups d'énergie, de mots, les égos humains, ce que moi je ne fais pas, et faire fondre progressivement les égos humains, ce qui fait partie plus de mon chemin. Les deux sont bons parce qu'il y a des égos qui ne fondront jamais, il faudra les fracasser. Il y a des égos qui ne se feront jamais fracasser, mais ils vont avoir la possibilité de fondre. Puis la majorité des égos peuvent être soit fracassés, soit être fondus. C'est beaucoup plus délicat et plaisant de se fondre dans l'intelligence que d'y arriver comme si on déboulait un escalier. Bon. Alors, lentement, ça vient ici et ça va créer une négoïsation, ça va créer un double éthérique, ça va engendrer l'immortalité de la conscience humaine, permettre la réincarnation une terre après et un paquet d'autres choses. Mais ça sort du sujet, n'est-ce pas, de la conférence. Eh bien, je réponds à vos questions plus vite que vous les posez, hein? Ah, tu fais bien ça. Ça se déroule bien, c'est ça. T'es rendu à l'année prochaine, hein? Ah, oui, je suis rendu à l'année prochaine, là. Qu'arrive-t-il? Bon, là, je vais vous expliquer un phénomène intéressant ici. Je vais boire un peu d'eau. Que c'est de l'eau, c'est bon. Voilà. Qu'arrive-t-il quand l'intelligence, quand vous descendez dans votre âme et voyez un ego? Bien, nécessairement, l'ego, l'astral, c'est un photographe extraordinaire. Tout le monde sait où il fait développer ses photos. Bon. C'est chez Astral Photo. Bon. Bien. OK. Non, mais j'ai 50$, moi, chaque fois que... Je fais une publicité. Alors, chaque fois que tu prononces le mot astral? Non, mais une publicité, c'est... Weston. Ah oui, t'es éternué. J'arrête de prendre le texte. Évidemment. Apparemment que Tristan, ça aurait pu être bon. 150$ de fête, hein? Bon, on continue. C'est une marque de savon, ça. Au Bangladesh. Plus l'humain se conscientise, plus il devient sauvage, plus il devient colérique, plus il devient patient, plus apparemment il ne se conscientise pas. Alors ici, j'explique rapidement au niveau de l'ego. L'ego, c'est un amoncellement, une quantité de mémoire phénoménale accumulée à travers votre vie, plus tout ce qui s'est réincarné. Et chaque fois que vous accumulez de l'expérience, ça vient refroidir votre ego. On appelle cela la sagesse, un ego refroidi. Plus vous accumulez d'expérience, plus votre ego devient solide et massif, ce qui va engendrer une attraction vers le centre de plus en plus performant. Le centre de votre ego est extrêmement chaud, progressivement. Ça veut dire que chaud, ça veut dire que c'est un ego qui est un tueur. C'est un ego qui est violent. Un ego qui ne se contrôle pas par les religions, les sphères spirituelles, la mentalisation, le raisonnement, ne se contrôle pas. Mais votre ego est étouffé par votre expérience. Donc, vous n'êtes pas pire. Plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez descendre, vous allez ôter des couches dans une enveloppe à la fois au-dessus de votre ego. Et cette enveloppe-là que vous ôtez, par l'ajusteur de pensée, va devenir un autre corps qui va être un double dans la forme, pas dans la qualité. Un double de ce que vous êtes planétairement, dans l'éther, dans le plan vital, soit un double vital ou un double moronciel ou un double éthérique, c'est la même chose. Mais là, tu dis-tu que tous les égos au centre, c'est des tueurs, c'est des... Oui. Tous les égos. On appelle ça l'anti-homme ou l'anti-femme. Toutes les couches, plus qu'il y a de couches, est-ce qu'on peut dire que c'est une armure? C'est une armure qui protège l'extérieur. Ah oui? Ah oui. Mais parce que vu de l'extérieur... C'est une armure qui protège l'ego de l'intelligence. Mais c'est une armure qui protège l'extérieur de l'ego. Ah, moi, parce que vu de l'extérieur, un individu comme ça, on peut dire qu'il se protège. Parce que protège de l'intelligence. OK, oui. Parce que s'il y avait un périsprit épais, il se protégerait de l'extérieur. Là, ici, ça, il se protège de l'intelligence. Mais... Par exemple, une façon rapide de mettre beaucoup de couches, faire un rituel. Trois, quatre fois par jour, on fait les mêmes choses. Mais là, on met des couches. Mais c'est ça que ça nous protège de l'intelligence. Ça nous protège de découvrir et de voir que c'est pas ça notre vie. Ça protège l'ego de ça. Évidemment, ça nuit à l'intelligence, ça nuit à l'être humain réel. Plus on ouvre de couches, plus on crée un double éthérique, plus on renforce le plan mental qui lui est en contact avec le plan supramental par l'ajusteur de pensée. Et plus on ôte de couches, plus vous vous conscientisez, plus la chaleur externe de votre ego augmente. Parce que ça, c'est comme si c'était un charbon ardent recouvert de papier d'aluminium. Vous pouvez le prendre. Et plus vous ôtez du papier d'aluminium, plus ça devient chaud. De ce fait, vous allez être un peu plus irritable. Vous allez être un peu plus colérisable. Vous allez être un peu plus abominable. Mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec le fait d'être plus irritable, plus colérique? Ça fait simplement parce que si je dis, tu n'es pas beau. Vu que tu es bien protégé, si ton ego à peine peut bouger là-dedans. Mm-hmm. Mais plus je vais éliminer de couches ici autour de l'ego, plus t'es chaud. Quand je vais dire t'es pas beau, immédiatement l'ego va réagir parce qu'il va recevoir l'information plus clairement. Ça va être t'es tué, toi! C'est qu'un gars qui se conscientise, je quand même me semble que je suis bizarre. Puis là,